tango akitaka kusala pe tango asalaka asalaka ya komonana ye tato la ete Yesu nde nkolo Yesu nde nkolo Yesu nde nkolo kosi ya Yuda aleluya sesela Thank you. venons, Seigneur, te magnifier, magnifier ta sainteté. Toi, la puissante manifestation de l'amour de Dieu aux hommes, l'amour éternel, qui a ramené les enfants perdus à leur père, en rendant réel le miracle de la réconciliation. Alléluia. Si me fait vivre en un. Yahweh. kitundu cha bansantu. Na yo mokeli Bumona ngai fukami Atatula oyo sali Nanga ya mama sanjoli Eutina mote mananga Ibonza na kisi na yo Malasi ya motu yanga Na sopi libosu ya kiti na yo Mipana kutani na liziba ya ulwe Ekotanga na mote ma Boyo meka ya motu ya kolo Osopi makila matalo Osomba milimo ya bae banzi meliyo Yango na koti lelo yo Na molongo ya balongi ya ya Yango na moni kati nangai Lebo ya buta bebo yo Yango na fandi lelo bipa iyo zalie Boko na tato la seboli mbwa yo Na fungo li motema e na yambangolu na yokolo Na zala oyo lingi ipwete na sepeli sa motema na yokolo Ya bumo inanga Ya mwono seboli lo boko na tato la seboli mbwa yo Mwoli motema e na yambangolu na yokolo Na zala oyo lingi ipwete na sepeli sa motema na yokolo Ya bomo inanga Kutana kutana na yoe lisapona ngebongwani Solo kotanga mokwei yondi minga ikati na yo na jida kite Omo yo ya babulami na koti katia botambe Omo delengo pesi forme, mo pase se dekule Yango na koti lelo yo na molongo ya balongi ya ya Yango na moni kati na ngai, delengo ya botambe kwa yo Yango na fandi lelo bipa iyo zalie Namona kemo na yo Yo bongo lilo lenge na ngai Nazwi mpeti na katia bonza mbe yondi mingai Tuzala baninga mame don tame Totambola elongo Namozindo bolingwa nzambe Masula mitema esopana Zala wangai Nalingi yo Yesue Zeta bope minangai Kusiswe simbi kondi manangai Merci pozu nyonso yangai Osantue Olati sange lamba ya sika Kombo na yo Identite ya mokonzi na zwe na koti na molongo Propriété privée à Zambé, Engana Zungolo, Onde Bomo Yasika. Mulati Sangé Lamba Yasika, Kombonayo, Identité à Mokonzi, Nasuina Kontina Molongo. Propriété privée à Zambé, Engana Zungolo, Onde Bomo Yasika. Nazali oyo azalie Na utikati na yesu nazali mwana la nzambe Yango nazako dondoe Loko la nzambe ya mwana Identite ya mokonzi nazali oyo azalie Na utikati na yesu nazali mwana la nzambe Yango nazako dondoe lokola nzambe ya mwana. Semboli loboko na tatola semboli ngobwayo na yo na fongoli motema e na yambangolo na yo na tika yangoko lele na sala oyo lingi poete na sepelisa motema na yo kolo ya bongo ilanga yango na semboli loboko na tatola semboli ngobwayo na fongoli motema na fongoli motema e na yambangolo na yo kolo na sala oyo lingi poete na sepelisa motema na yo kolo ya bomoi na nga yango na semboli loboko na tatola semboli ngobwayo na fongoli motema na fongoli motema e na yambangolo na yo kolo na sala oyo lingi poete na sepelisa motema na yo kolo ya bomoi na nga la beauté de ton éclat. Usinifiche uso wako Bwana, yowe ndio anamhitaji kupita vyote, basi nikaribie Mungu ujaze moyo wangu. Amen. Je regardais avec mon cœur la beauté de mon sauveur, en qui tout n'est que splendeur. J'y voyais sur une toile les couleurs de nos espoirs qui brillaient comme des étoiles. Comme à l'aube de nouveaux jours, j'ai su sur un long parcours qui conduit devant ta cour. Je viens saluer ta majesté, proclamer ta sainteté et jouir de ta beauté. Je viens contempler auprès de toi les merveilles de ta croix qui font briller ma foi. Je viens pour te dire des mots d'amour à toi, en qui je me retrouve. Je viens. Y'a que toi qui peux changer tout le risque du danger. Que le seul qui a la force de nous venger. Je viens. Parmi tous ceux qui sont nés, y a que toi qui me connais, Seigneur. Tout ce que tu m'as donné. Tu es le seul d'Israël qui rend mes projets réels. Toi qui tiens en toi le bonheur éternel. Je viens saluer ta majesté, proclamer ta sainteté et jouir de ta bonté. Je viens contempler auprès de toi le merveilleux de ta voix. Il faut prier ma foi. Je viens pour te dire des mots d'amour à toi, mon. je viens lire le temps de ma voix qui annonce ta grandeur. Seigneur, je viens t'entendre dire des paroles qui me font vivre, par lesquelles je me sens libre.